Un autre monde. Un autre monde. Une émission proposée par Richard Federman. Aujourd'hui, Maasai, mon amour. Moi je suis le 9e dans ma famille, tu vois, le dernier, le petit dernier. Ah oui, le 9, numéro 9, hein, numéro 9. Et bon, c'est une famille bourgeoise, on peut dire, enfin des notables, tu vois. Je me sentais très différent de mes frères et sœurs. Et puis, je suis très, très observateur. Donc j'observe, j'ai toujours eu ça, d'observer ce qui se passe autour de moi. Et puis en fait, je me suis noyé à l'âge de 6 ans à peu près. Enfin, j'ai eu cette expérience de noyade et avec un petit vélo, les marais d'équinoxe en Bretagne. Puis au lieu de freiner, je suis allé dans la pleine mer, quoi. Enfin, sûr. Je me suis noyé, je n'ai pas fermé la bouche, je me suis noyé. Et puis je suis passé un petit peu de l'autre côté, on peut dire. Enfin, j'étais accueilli par une voix, reste fidèle, reste vrai, je serai toujours avec toi. Enfin, c'est un truc... En plus, cette voix me revient de temps en temps quand je suis un peu moins bien. Donc, c'est comme des guides, en fait. Je ne sais pas qui c'est, hein, mais en tout cas, c'est la voix qui m'a accueilli de l'autre côté. Et suite à ça, je ne me suis pas noyé complètement, je suis revenu. J'ai fait un rêve, et ce rêve, c'était déjà les Maasai. J'ai écrit les 9 leçons du guerrier Maasai. Mais je n'avais pas fait le rapprochement dans ce rêve. Avec les Maasai, mais en tout cas, je lisais tout ce qui avait trait aux Maasai. C'était un peuple qui me fascinait. Je sais pas, la liberté, sans doute, ce port. Je sais pas, j'étais inspiré par leur regard, leur port. Qu'on dit, tu sais, altier, là. Mais bon, moi, je ne voyais pas ça du tout. Il y avait quelque chose, ils avaient quelque chose d'indéfinissable qui me plaisait beaucoup. En tout cas, je lisais tout ça, le lion de Kessel, machin. Tout ce qui avait trait au, tu sais, à Out of Africa, par exemple, la Karen Blixen, l'écrivain danois qui a vécu au Kenya. Bon, ça parle un peu des Maasai. Bon, il y a des tas de signes qui me sont venus disant qu'il fallait que je vive chez les Maasai. Déjà, à l'adolescence, j'avais déjà ça en tête. Une de mes sœurs, qui est ma marraine, est allée vivre au Kenya. Pour qui, pourquoi? Si elle s'est mariée, son mari travaillait au Kenya. Bon, ben voilà. Donc elle m'a envoyé un billet d'avion. Et c'est comme ça que j'ai pu faire le rapprochement avec le rêve et tout ça, et dire que oui, effectivement, c'était une révélation, c'était une confirmation que j'avais quelque chose à faire avec eux. Et donc je ne faisais pas grand-chose à l'école, parce que rester sur un banc, je trouvais ça incroyable, plutôt que d'aller vivre dans la nature, où j'aimais bien me promener dans la forêt. Je suis un rêveur, tu vois, contemplatif en fait, hein. Pas contemplatif si on peut dire, non. J'aimais bien rêver comme ça, un rêveur. Donc à l'école je rêvais, je faisais pas grand chose, enfin je passais la classe supérieure toujours, mais enfin j'avais pas encore mis mon énergie tellement là-dedans. Après, je commence à travailler parce que je me dis, il faut que je sois le meilleur pour avoir des bourses, pouvoir aller vivre chez les Maasai. Donc, à l'université, j'ai fait des études d'anthropologie, sciences politiques, du droit, enfin, je voulais tout connaître, quoi. Du coup, ma curiosité devenait immense. Et je me dis, c'est facile, il suffit que je travaille. Là, du coup, j'avais envie de travailler. Donc, puis je trouvais ça passionnant, donc, d'étudier tout ça. Donc, je suis monté à Paris, je fais toutes ces études. Comme j'étais bon, parce que j'avais envie d'aller chez les Maasai, en fait. Je voulais pas devenir prof ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai rassemblé mon énergie avec ce projet d'aller vivre chez les Maasai. Et puis, j'ai progressé là-dedans. J'ai eu des bourses ensuite... pour aller étudier en Angleterre, je voulais étudier les archives coloniales aussi, c'était incroyable. Et donc à un moment donné, on m'appelait Monsieur Bourse, parce que tellement j'avais de bourse. Une fois ma mère me dit, il y a l'ambassade de France à Londres, ils savent pas où mettre ta bourse, t'as pas donné ton RIB. Bon, encore une bourse qui me tombait dessus. Donc là, j'ai vu que là, l'abondance venait quand tu étais sur ton chemin. Donc ça, c'était extraordinaire de me dire ça. Et alors là, une sécurité absolue. Je te raconte une anecdote parce qu'elle est quand même assez croustillante. Je suis donc en Angleterre, à Cambridge. Je me dis, bon, je vais aller dans une école de langue le matin pour parfaire mon anglais, parce que voilà, c'est important. Donc je vais dans cette école de langue. J'étais heureux comme tout. Tu vois, parce que j'approchais du moment où j'allais partir chez les Maasai. Dans cette école de langue, il y avait 9 filles à peu près pour un garçon, quoi. Donc j'étais très heureux, évidemment. Donc commençais, alors voilà, j'avais rencontré une Italienne, je me souviens, j'avais commencé à flirter un peu avec une Italienne, bon, j'étais pas amoureux, mais euphorique, on va dire. Bon, elle, une Hollandaise, tu vois, enfin bon, commençais, hein. Je devais avoir 22 ans. Le vélo, tu sais, avec le panier, là, tu sais, en Angleterre, dans un des campus quand même de rêve, hein, le Cambridge. Et bon, bah, 15 jours se passent. Voilà, dans cette école de langue, je me souviens, je fais une pause, comme on est en Angleterre, quand même, le thé, bon, pause thé avec des biscuits au gingembre, voilà, ginger biscuits. Ah, j'adorais ça, j'en fournais plein de biscuits. Et je rentre dans ma classe, tu vois, et là, je rencontre une fille, mais le coup de foudre absolu, tu vois, une fille. Premier regard, un regard, je dis, mais j'avais l'impression que tout mon corps s'embrasait. Et mais amoureux, mais j'avais jamais connu un truc pareil. J'étais déjà tombé amoureux comme ça, bien sûr. Bon, j'étais un peu un cœur d'artichaut, tu vois. Je tombe amoureux des filles, quoi. J'étais fasciné par les filles. Voilà, fasciné. Et là, c'était vraiment incroyable. Alors, en plus, bien sûr, au début, j'essaye de l'entreprendre, mais je sentais que je lui plaisais, évidemment. Mais en fait, elle avait un petit ami, elle était de Hambourg. Il y avait un petit ami qui devait lui rendre visite pendant les vacances. Bon. Ouais, bon, moi ça ne me gênait pas. Je savais que de toute façon, dans un moment ou un autre, on allait sortir ensemble. Je le savais, c'était inscrit, quoi. Bon, très bien. Du coup, j'arrive à me faire inviter chez elle. Elle louait une chambre dans une maison comme moi, pas loin de là où elle était. Bon, j'arrive à me faire inviter pour prendre le thé chez elle. Donc je frappe à ça, elle m'ouvre, grand sourire, etc. Et puis là, je manque de tomber à la renverse parce qu'en fait, il y avait des colliers Maasai partout dans le hall de sa maison. Alors là, je me dis, mais... Alors, quand je lui avais parlé des Maasai, elle ne savait même pas qui étaient les Maasai. Et en fait, le résultat des courses, c'est qu'en fait, elle louait sa chambre au spécialiste mondial des Maasai de l'époque, professeur à Cambridge, historien, Richard Waller. Qui avait écrit Maasai, The Lords of East Africa. Un autre monde. Maasai, ces histoires Maasai, et tous ces visages Maasai, si souvent, toute une vie qui s'étonne. Ce miroir subtil, fatal, ce regard sans âge qui résonne millénaire des visages. Maasai, ces histoires Maasai, et tous ces visages Maasai. Un autre monde. Si tu veux, on est sortis ensemble très rapidement. On s'est installés ensemble d'ailleurs. J'ai vécu l'année avec elle. L'amour total, enfin tu sais, extraordinaire quoi, ça marchait, oh, on était amoureux, histoire d'amour très belle, très très belle. Comme j'avais de l'argent, je pouvais louer une petite Austin, tu sais, à l'époque c'était les Austin. Alors j'allais en Écosse parce que j'avais deux frères qui habitaient en Écosse, bon on allait, bah, tu vois le genre quoi, c'était la liberté quoi, merveilleux, tout était, tous les clignotants ouverts, j'étais heureux. Mais il y avait ça, j'ai eu ce signe à nouveau, Maasai, t'imagines, donc elle loue sa chambre, comme vos spécialistes des Maasai, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je me dis, y a-t-il des Maasai à Hambourg? Tu vois, je me dis, je vais peut-être changer le titre de ma thèse. Non, mais j'ai eu beau tourner les choses, tu vois, de toutes les manières, Je me suis dit, non, Xavier, la seule façon, voilà, tu vis ta vie, tu vis l'instant présent, mais après, tu vas partir. Et après, si l'amour est plus fort, voilà, on se retrouvera. Mais, donc là, ça m'a demandé énormément de courage, quand même, parce que, tu vois, c'était très fort entre nous, tu vois, c'était une de mes épreuves majeures, je pense, dans ma vie. Et je suis parti, et oui, tout ce que j'avais mis en place était tellement fort, ces signes étaient tellement forts, que de toute façon, j'avais pas le choix. Donc je suis parti, et en fait, la vibration d'amour, Massa, était tellement forte une fois sur place, que j'en suis presque venu à oublier cet amour. Pas complètement, évidemment, parce que je recevais des lettres, etc. Bon. Mais si tu veux, c'est là où tu vois que l'amour, une énergie merveilleuse, eh bien, justement, les Maasai me l'ont donné. Pas une personne en particulier, mais c'était toute cette vibration extraordinaire et tout ce que j'ai pu vivre là-bas, quoi. De liberté totale et surtout d'avoir accès à des relations à la vie que je ne connaissais pas et qui me parlaient très fort, que je n'avais pas en France. Et donc, je me suis dit, je vis mon rêve, quoi. Je vis mon rêve, tout simplement, et advienne que pourra, on verra après. Alors j'enfile les mots comme je marche sur la terre. Loin de cette vie toxique, je m'envole dans les airs. Béton armé dans une armure amère. Vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère. Et tous ces visages Maasai, aussi souvent. Donc j'ai passé ces trois années extraordinaires là-bas et j'ai vu l'homme de mon rêve une année après seulement. J'ai rencontré Kenny dans une. J'étais parti à Mobilette au Kilimandjaro parce que j'avais eu un message très curieux. C'est là où tu vois, mais d'où ça vient tout ça, quoi. Et en fait, il m'attendait des revendications, il mettait en place des revendications pour le ministre des Terres. Enfin bon, comme moi, il savait que j'étais un peu dans le droit, alors je les avais aidés. Et je les rencontrais là, quoi. Incroyable. Et puis donc, bon, après, il m'a servi un peu de guide spirituel, on va dire. Donc c'est Kenny qui est là, hein. Et donc que je raconte tout ça dans les 9 leçons du un livre quoi que j'ai écrit pour tout ça. Et il me dit au bout de 3 ans, il m'avait convoqué dans son village et il m'a dit bon maintenant tu vas repartir en France, ça va être très dur. Tu n'as fait qu'entrevoir notre culture, de toute façon voilà l'amour qu'on a, etc. Ces valeurs d'humilité, de partage, etc. Bon très bien, mais c'est bien. C'est un peu exotique, mais maintenant, tu vas rentrer. C'est maintenant que tu vas mettre en application tout ce que tu as pu ressentir, recevoir de nous. C'est maintenant. Tu vas être confronté à toi-même, quoi. Tu vas te découvrir qui tu es. Et ça va durer 30 ans, et tu... Imagine, tu vas rencontrer l'amour au bout de 30 ans. Enfin, c'était une image, peut-être, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. C'est une très belle histoire, je trouve, parce que il n'y a pas eu d'effet de force, quoi. J'ai pas eu à me forcer non plus. J'ai développé ma foi, en fait. Bon, j'avais eu cette noyade, mais j'ai une foi énorme, en fait, dans cette énergie. Donc j'ai amélioré mon quotidien, et ce faisant, finalement, je suis devenu assez heureux. C'était Maasai mon amour. Un autre monde. Une création produite par Richard Federman.